Avant de retrouver comme un jeudi sur deux votre rendez-vous avec la médiatrice des antennes de Radio France, dans la grande table des idées aujourd'hui, faut-il en finir avec la nature ou peut-être plutôt avec notre conception occidentale de la nature? Il y travaille, en tout cas, notre invité, l'anthropologue Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la Nature, un chercheur dans les pas de ses aînés Claude Lévi-Strauss, Maurice Godelier ou encore Françoise Héritier. De ses recherches en Amazonie, il avait fait un livre, Les Lances du Crépuscule, avant de publier son ouvrage phare, Par-delà la nature, par-delà nature et culture, en 2005. Dans Les Natures en question, publication de son colloque de rentrée il y a un an, chez Odile Jacob aujourd'hui, il interroge à nouveau la distinction entre nature et culture. A-t-on vraiment raison de les opposer? Comment ces catégorisations ont-elles structuré la pensée européenne? À ses côtés, historiens, philosophes, médecins interrogent à leur tour, et chacun avec les outils de sa discipline, cette dichotomie. Philippe Descola, bonjour. Bonjour. Vous commencez par un constat. La nature n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que vous nous faites du Michel Serres? C'est un constat nostalgique. C'était mieux avant. Michel Serres va. Il le fait avec beaucoup d'ironie. Mais au fond, nous avons, pour les gens de ma génération en tout cas, vécu dans une sorte d'illusion grandiose, à savoir que la nature était avec nous, autour de nous, et qu'elle était là pour durer. Et au fil des dernières années, nous nous sommes aperçus que cette illusion était complètement à critiquer, et il fallait revenir dessus, en ce sens que, au fond, les activités des humains ont contribué à transformer cette nature qui nous paraissait extérieure à l'activité humaine. Et cette illusion, au fond, a été la source d'un questionnement. Et dans mon cas, ce questionnement, il est né, vous l'avez dit au début de votre présentation, d'une expérience ethnographique en Amazonie, où je me suis aperçu, jeune philosophe que j'étais de formation, et donc imbu de cette opposition entre nature et culture, qui est un des axes centraux de la métaphysique occidentale, je me suis aperçu que les gens avec qui dont je partageais la vie, non seulement n'avaient aucune notion équivalente à celle de nature, mais en fait entretenaient avec les non-humains, avec les plantes, avec les animaux, avec les esprits, des relations de personne à personne, qui étaient des relations analogues à celles qu'ils entretenaient entre eux. Autrement dit, il n'y avait pas une nature extérieure aux humains, mais une série d'entités avec lesquelles des liens étaient constamment entretenus et maintenus au quotidien. Et c'est ce choc initial, au fond, qui m'a conduit, durant toute ma carrière d'anthropologue, à essayer de comprendre d'abord comment est-ce qu'on avait pu inventer cette notion, et puis ensuite comment on pouvait s'en passer. Mais alors justement, pour déconstruire cette opposition nature-culture, est-ce que vous avez dû procéder à une nouvelle ou une autre construction idéologique? Alors, une construction idéologique, c'est une vaste question. Vous dites, on a voulu la critiquer. C'est critiquable. Au fond, l'une des missions de l'anthropologie, c'est d'essayer de traduire des systèmes d'idées et de pratiques d'une langue ou d'un domaine de pratique dans un autre. Et c'est une opération extrêmement difficile parce que le traducteur tend très souvent à essayer d'imposer les catégories au moyen desquelles il va décrire ces autres systèmes. C'est quelque chose dont les anthropologues sont conscients depuis plus d'un siècle. Et donc il y a différentes façons d'essayer de surpasser cette difficulté. Celle que j'ai choisie, et je l'ai hérité en fait d'un principe de méthode de mon maître Claude Lévi-Strauss, qui est, alors c'est quelque chose d'un peu technique, c'est le groupe de transformation. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de transformation? C'est on prend des éléments du monde et on essaye de voir comment ils se transforment les uns dans les autres. Et en fonction du choix que l'on fait, aucun élément n'est privilégié. Et c'est pour ça que j'ai essayé de proposer une méthode pour comprendre la façon dont les humains percevaient les continuités, les discontinuités entre eux-mêmes et les objets du monde, qui ne soient pas basées sur notre propre façon d'opérer, que j'ai appelé le naturalisme. Notre propre façon d'opérer, elle est simple, ça veut dire, d'un côté, il y a des non-humains qui n'ont pas les mêmes facultés cognitives, qui n'ont pas le sens moral, qui n'ont pas la conscience de soi, etc., et qui donc diffèrent de nous pour des raisons d'intériorité, ils n'ont pas les, ces capacités réflexives et subjectives que nous avons. En revanche, ils sont semblables à nous parce qu'ils sont régis par les mêmes lois de la physique et de la chimie. Quels sont, juste pour comprendre, pardon Philippe Descola, les acquis de cette distinction nature-culture, les acquis ou les héritages qui expliqueraient qu'on a si longtemps fonctionné aussi, nous les Occidentaux, à travers cette vision-là? C'est qu'elle est simple à manipuler. Elle est simple à manipuler parce que une fois qu'on l'a intériorisée, et j'ai moi-même procédé ainsi dans les premiers temps de mon séjour sur le terrain, vous avez d'un côté des choses qui relèvent de l'action humaine et d'autres qui sont indépendantes de l'action humaine. Et donc on peut comparer par exemple un temple grec et son territoire, on peut comparer un village amazonien, on peut comparer une abbaye médiévale de la même façon en utilisant ces catégories. Lorsque je suis arrivé sur le terrain, j'étais frappé par le fait qu'il y avait ce sont des grandes maisons hein, qui sont au milieu de jardins et puis derrière il y a la forêt, et donc il y avait une gradation concentrique, il y avait la culture au milieu, la maison, la société, la vie sociale. Et puis, à mesure qu'on s'éloignait, on entrait dans le monde de la nature, des animaux, des plantes, etc. Puis je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, quand j'ai commencé à comprendre la langue, que cette opposition n'avait guère de sens. Donc, la grande fécondité de l'opposition entre nature et culture, c'est d'abord celle-ci, c'est qu'elle est transposable dans la plupart des contextes historiques, si on les prend de loin, c'est-à-dire si on ne prête pas trop attention à ce que les gens disent. Un autre avantage que Heidegger avait bien mis en lumière, c'est qu'au fond, c'est la notion de nature permet de qualifier, de déterminer la plupart des termes que l'on qu'on lui oppose. C'est un peu un signifiant vide, un signifiant. Il y a une telle quantité de significations qui sont attachées à cette notion, mais lorsqu'on l'oppose à autre chose, à l'art, à l'histoire, à la société, à la culture, etc., à chaque fois, ça va par contraste définir de façon très très claire, au fond, le champ auquel cette notion de nature est opposée. Donc ça, c'est un autre avantage. Et puis, dernier avantage peut-être, qui est un avantage politique. Jacques Rancière l'avait souligné il y a longtemps déjà, lorsqu'il disait, au fond, la vie politique moderne, elle est fondée sur cette opposition, en ce que, d'un côté, il y a des gens qui ont beaucoup de culture ou de société et pas beaucoup de nature, et puis il y a l'inverse. Donc ça oppose les gens qui ont beaucoup de culture, ce sont essentiellement des blancs, des hommes, et c'est ceux qui ont des possédants, etc. Les autres sont plus ils sont plus naturels, et donc c'est une façon de disqualifier bien sûr aussi ceux qui ont moins de nature, mais c'était aussi une façon de hiérarchiser les civilisations en fonction de leur degré de proximité à la nature. C'est pour ça que ça m'énerve beaucoup lorsqu'on dit que les intels sont proches de la nature. Ça n'a guère de sens. Dire des atchoirs, c'est-à-dire d'Amazonie dont je parlais tout à l'heure, qui sont proches de la nature, c'est absurde. Parce qu'ils sont proches de rien du tout. C'est pas la nature dont ils sont proches. Ils sont proches d'êtres avec lesquels ils sont en interaction, mais pas de la nature. Voilà, comme une sorte de civilisation supérieure qui aurait dompté cette nature, qui l'aurait même dépassée, et ça aurait permis aussi des progrès scientifiques, techniques, dont tous pourraient aujourd'hui bénéficier. Bien sûr, alors ça c'est l'autre aspect, c'est l'aspect épistémologique, disons, c'est-à-dire au fond cette grande révolution qui s'est passée à partir du XVIIe siècle, dans laquelle l'extériorisation du champ dit naturel vis-à-vis des hommes a permis de concevoir le monde des non-humains comme une totalité connaissable et sur laquelle on pouvait agir de façon efficace par la technique. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, idéologiquement précisément, et ça a permis sans aucun doute le développement des sciences positives. Donc, la nature n'est plus ce qu'elle était, mais notre conception de la nature, avec vous Philippe Descola, n'est plus non plus ce qu'elle était. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, il n'y a pas une nature, mais ni une seule conception universelle et absolue de la nature, mais des natures et d'autres rapports à la nature. Vous le dites autrement, l'idée d'une nature simple et unique, qui constitue une toile de fond devant laquelle se développe la vie sociale, est aujourd'hui une notion périmée. Pour preuve, le dialogue permanent que certains peuples ont engagé avec l'environnement. Ce qui est sûr, c'est que ces peuples-là ont aussi marqué leur milieu d'origine, affecté leurs écosystèmes. Je vous propose d'écouter les mots de l'astrophysicien Aurélien Barreau, penseur de la crise climatique, sur le défi qui se pose à nous aujourd'hui. Pour moi, la question cardinale à ce stade, c'est de se demander quand a été commis la faute. Pas la faute au sens théologique, mais la faute au sens écologique. Quand sommes-nous partis sur ce que le philosophe Gilles Deleuze appellerait une ligne de mort? Et je crois que la réponse est assez inquiétante. Parce qu'en réalité, ce n'est pas récent. Ce n'est pas l'apanage de la modernité ou de l'ère industrielle. On a aujourd'hui des documents étayés, des études scientifiques très sérieuses, qui tendent à montrer que dans un passé très reculé, quand nous étions encore chasseurs-cueilleurs, dès lors qu'une zone du globe était colonisée par les humains, il y avait une extinction massive de la macrofaune. Je veux dire, bien au-delà des simples prélèvements associés à l'alimentation. Donc ça, c'est un peu contrariant, parce que ce qui semble se dessiner ici, c'est un comportement qui est finalement endémique à ce que nous sommes. Ce qui signifie que l'enjeu n'est pas de renouer avec un passé fantasmé qui n'a jamais eu lieu, pendant lequel nous aurions été dans une sorte d'équilibre bienfaisant avec la nature. L'enjeu est d'inventer un devenir radicalement autre. Arrêtons de fantasmer, arrêtons de penser ou d'évoquer cet état originel où tout aurait été bien, où l'homme aurait été en communion avec la nature. Vous êtes d'accord avec ce constat, Philippe Descola? Alors, c'est vrai que depuis très longtemps, depuis bien avant l'Holocène en fait, les cultures, les sociétés humaines transforment leur environnement de façon qui devient seulement perceptible depuis quelque temps parce qu'on a les instruments scientifiques pour le mesurer. C'est une partie de mon travail d'anthropologue en Amazonie que d'avoir étudié cela justement, c'est-à-dire que les manipulations végétales que les Amérindiens ont conduites à la fois évidemment par la domestication des plantes qui a commencé il y a à peu près 8 ou 9 000 ans dans cette région du monde, et par la semi-domestication, c'est-à-dire la transplantation d'espèces sauvages dans les jardins, etc., a conduit à une transformation profonde de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne est en partie anthropogénique, c'est-à-dire que la distribution des espèces n'est pas une distribution telle que elle pourrait advenir naturellement. Elle a été profondément affectée par les manipulations humaines. Et par la main des Amérindiens. Et par la main des Amérindiens. Donc ça veut dire que, bien sûr, il y a... Et alors, je pourrais prendre d'autres exemples. Il y a l'extinction de la macrofaune, effectivement, auquel faisait référence Aurélien Barreau. Il y a les feux de brousse, par exemple, en Australie, qui ont joué un rôle très important dans la transformation de la végétation et donc dans l'accessibilité de ressources végétales pour la faune, etc. Donc, c'est des choses que l'on sait fort bien. Depuis très longtemps, les humains transforment en profondeur leur milieu de vie. Et donc, il y a très peu de régions dans le monde qui n'ont pas été affectées par ce mouvement. Donc, la différence, évidemment, majeure, qui intervient à partir, disons, de la révolution industrielle, c'est une augmentation exponentielle de cette transformation liée à l'usage des industries fossiles, avec toutes les conséquences que l'on connaît maintenant. Donc il me semble qu'il faut ne pas confondre, en somme, un très long mouvement d'anthropisation de la planète avec cette brusque accélération qu'a constitué la révolution industrielle, qui est le produit de très nombreuses choses, mais aussi le produit de cette idée que la nature était une totalité extérieure à l'homme et que donc on pouvait y puiser sans compter. Et avec les résultats présents, c'est pour ça que lorsque l'on parle d'anthropocène, qui est un concept qui est devenu très très à la mode, il faut à chaque fois souligner que l'anthropos de l'anthropocène, c'est pas l'humain en général, c'est un système social, un système économique très particulier qui s'est mis en place il y a 2 siècles et demi. Et qui a eu pour effet de profondément transformer le système Terre, au fond. Et c'est en ce sens qu'il faut être prudent lorsque l'on dit que, effectivement, les aborigènes d'Australie, les Amérindiens d'Amazonie, oui, bien sûr, ils ont transformé profondément leur milieu, mais pas avec les conséquences majeures que notre propre façon de le transformer a causées. Pourquoi vous dites qu'aujourd'hui, cette distinction entre le naturel et l'artificiel est imprescriptible ? Imprescriptible, j'ai écrit ça. Ah, il me semble. C'est la terminologie que j'emploie habituellement, et elle n'est en rien satisfaisante. Parce qu'au fond, nous nous trouvons dans une situation qui est un peu analogue à celle précisément que les grands penseurs du socialisme au XIXe siècle ont rencontré, c'est-à-dire d'essayer de penser des bouleversements tellement considérables, où d'ailleurs leurs prédécesseurs du XVIIIe siècle, que les concepts au moyen desquels on peut décrire la situation nous font défaut parce qu'ils caractérisent des périodes antérieures de l'histoire. Et donc, la distinction que j'emploie habituellement, c'est humain et non-humain, elle n'est pas beaucoup plus satisfaisante que nature et culture ou nature et société, mais elle a le mérite de placer, de mettre l'accent sur le fait qu'il y a de très nombreuses façons de concevoir, de mettre en œuvre cette distinction. Et que l'une d'entre elles, celle au sein de laquelle nous nous trouvons, que nous avons produit, nous les modernes, est de ce fait transitoire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement vouée à rester éternelle. Parce que d'autres civilisations ont conçu d'autres formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains, qui sont tout aussi raisonnables, qui sont tout aussi efficace, d'une certaine façon, en tout cas pour la vie en commun, qu'il ne s'agit évidemment pas de transposer, parce qu'aucune expérience historique n'est transposable, mais qu'il s'agit d'utiliser comme une sorte de dépôt ou de tremplin pour nous permettre d'imaginer des formes nouvelles d'interagir avec les non-humains qui soient différentes de celles qui ont eu cours pendant les trois derniers siècles, disons. Oui, il y a un brouillage, une confusion, rappelez-vous aujourd'hui, aussi de cette frontière entre nature et humanité, entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, et un effacement des frontières qui commence aussi à se matérialiser en nous. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, Philippe Descola, à travers le transhumanisme, à travers les cyborgs, mais aussi des techniques génétiques qui vont rendre floue cette frontière entre l'artificiel et le naturel. Je vous propose de vous emmener dans les couloirs d'une exposition Persona étrangement humain au Quai Branly qui se tenait en 2016 et qui posait justement la question de ces objets au statut flou. Retour donc au musée avec un extrait du film d'ouverture de l'exposition L'homme invisible, interprété par Denis Lavant, qui nous interpelle sur cette confusion des limites. Qui vous dit que je suis bien là ? Je suis peut-être ailleurs. Je suis peut-être déjà dans la vallée de l'étrange. Là-bas, vous pourrez me craindre ou m'adorer, me trouver repoussant ou au contraire désirable. Superstition d'un autre âge, dites-vous. Pourtant, vous n'avez jamais été seul dans votre corps. Nous, les présences limites, avons toujours habité votre monde. D'ailleurs, vous-même, n'êtes-vous pas une présence limite ? Ne passez-vous pas votre temps à vous prolonger dans des machines, des objets, des images, des spectres ? Qui êtes-vous ? Et de quoi souhaitez-vous vous entourer au juste ? Vous et moi pourrions être amis et nouer un autre pacte, si vous voulez. Alors, elle n'est pas si nouvelle, cette confusion des frontières et des limites, Philippe Descola. Qu'est-ce que c'est que ce pacte que nous aurions scellé avec la nature ? Vous permettez de revenir un moment sur l'exposition Persona, parce que j'y ai été un peu associé, j'ai écrit dans le catalogue, et au fond, cette exposition met en évidence le fait que, depuis très longtemps, on prête à des non-humains, en particulier à des artefacts, des facultés intérieures ou des dispositions morales, quelquefois très proches de celles des humains. Comme quoi ? Eh bien, le fait de chercher un contact, le fait de manifester une émotion, le tout ce qui est fondé, vous savez, la vallée de l'étrange qu'évoquait à l'instant l'extrait que vous avez passé, c'est un concept qui a été inventé par un roboticien japonais et qui définit en somme, cet espace un peu flou à l'intérieur duquel si vous voulez, qu'est-ce qui permet de prêter une intériorité, une âme, un esprit ou quelque chose comme ça à un objet inanimé? On peut dire que ça peut être l'animation physique, un robot par exemple, et donc une certaine présence qui est rendue manifeste par le mouvement. Ou bien ça peut être une ressemblance physique. Alors une image par exemple nous va nous donner quelquefois une impression de vie, parce que elle est d'une telle ressemblance qu'elle paraît prête à s'animer. Eh bien, la vallée de l'étrange, c'est cet espace intermédiaire en quelque sorte où quand c'est trop ressemblant, on ne peut pas prêter parce que l'illusion est trop immédiate, une animation à un artefact, et lorsque c'est trop peu ressemblant, c'est aussi difficile. Donc il y a une sorte de zone intermédiaire en quelque sorte qui se prête à cette imputation d'intention, de subjectivité à des non-humains. Le pacte avec la nature, c'est un pacte que malheureusement on est les seuls à avoir passé, parce que pour passer un pacte, pour passer un contrat naturel, il faut que l'autre partie accepte de le passer. Or, l'autre partie n'a jamais accepté de le passer. L'autre partie, on l'a fait parler à notre place. Nous sommes des grands ventriloques, hein, au fond, lorsque nous parlons de nature. Nous prêtons, au fond, à des éléments épars du monde, une unité qui nous permet de nous adresser à cet objet, cette hypostase, hein, qu'est la nature, comme s'il s'agissait d'un interlocuteur unique. Et quand vous dites nous, Philippe Descola, nous, c'est pas les modernes, les humains. Les modernes, parce que précisément... Et ça ramène à cette vision occidentale que vous évoquiez. Oui, oui. Voilà. Alors occidentale, c'est compliqué. J'aime pas beaucoup le terme occidental, parce que moderne, au fond, ma définition de moderne, ce sont les gens qui croient à la différence entre la nature et la culture, ou la nature et la société. Et c'est quelque chose qui s'est mis en place, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2-3 siècles. Et c'est une notion qui s'est progressivement répandue à la surface de la Terre. Donc il y a des modernes aussi parmi des populations autochtones, parce qu'ils ont intérioriser, au fond, notre propre façon de voir. Alors, que faire ? En quoi aussi cette redéfinition à laquelle vous vous employez, Philippe Descola, peut nous aider à penser autrement ce qui se joue aujourd'hui, et notamment la crise du climat, le réchauffement climatique et la mise en danger permanente de la biodiversité ? Vous avez évoqué ce rapport particulier qu'on peut avoir. Je vous propose un dernier extrait sonore. C'était le 15 mars 2017. Le Parlement néo-zélandais adoptait un statut de personnalité juridique pour un fleuve. On votait. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. Aye. To the contrary, no. The ayes have it. Te Awa Tupu of Whanganui River Claim Settlement Bill, third reading. Voilà, ça illustre ce que vous évoquiez. On donne des droits à la nature, une identité juridique pour un fleuve, comme en Nouvelle-Zélande, comme l'Inde l'avait déjà fait avec le Gange. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous, Philippe Descola? Est-ce que c'est une bonne chose d'essayer d'attribuer des droits à la nature, ou est-ce qu'on colle encore là nos propres représentations Alors, vous savez sans doute, l'Équateur, dans sa constitution, dans le préambule de sa constitution, a donné des droits à la nature. C'est la première fois, la Bolivie a suivi ensuite, c'est la première fois que c'était le cas. Le problème, c'est qu'encore une fois, la nature est une illusion, c'est un concept. Mmh. C'est pas un assemblage d'êtres spécifiquement définis dans une constitution. Et le résultat, c'est que en Équateur, le saccage de l'Amazonie continue. Ce qu'a fait le Parlement néo-zélandais est beaucoup plus important et beaucoup plus significatif, dans la mesure où cette rivière, qui est la Whanganui, a maintenant la capacité d'intervenir en justice par l'intermédiaire des populations riveraines, qui sont des Maoris. Et ça opère un pas de côté par rapport à la notion d'appropriation, qui est tellement centrale dans notre façon de voir les choses, c'est-à-dire, au fond, un territoire, un État, sont caractérisés par le fait que des humains vont décider, alors c'est Rousseau, d'établir une barrière autour et de dire ceci est à nous et nous allons en utiliser les ressources. La grande transformation que fait cette institution d'une personnalité juridique à non seulement à une rivière mais au fond à un écosystème, à un milieu de vie, c'est que le droit procède du lieu et non plus des humains. Et les humains sont définis dans leur usage du lieu par ce droit. Et ça me semble, c'était une révolution juridique et politique dont on commence à peine à mesurer les conséquences et qui, si elle se généralise, va transformer profondément la façon dont des collectifs humains se représentent leur rapport à la Terre et au monde. Et dans cette lignée-là, il me reste une minute pour vous poser une dernière question, Philippe Descola. Est-ce que vos travaux pourraient trouver des débouchés politiques? Et est-ce que vous l'espérez? Je l'espère, oui, bien sûr. Ça va de soi. Lévi-Strauss avait dit que l'anthropologie est une science révolutionnaire. Je crois qu'elle l'est parce qu'elle permet de faire un pas de côté par rapport aux évidences immédiates et quotidiennes des concepts et des catégories que nous employons pour penser le monde. Et de ce point de vue-là, si en accompagnant bien évidemment des mouvements sociaux, je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes, qui est une expérience politique extrêmement originale, si nos travaux permettent de donner un peu de squelette conceptuel en quelque sorte à des transformations politiques, je pense que j'aurais pas perdu mon temps. Philippe Descola, vous devez promettre de revenir nous voir très bientôt. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table, les natures en question. Votre ouvrage vient de paraître chez Odile Jacob. Un grand merci à vous. France Culture, il est 13h24, l'heure du rendez-vous de la médiatrice. La Grande Table, le rendez-vous de la médiatrice. Le rendez-vous de la médiatrice de Radio France, Emmanuel Davier, bonjour. Bonjour Olivia. Vous revenez aujourd'hui sur les réactions suscitées par l'enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon menée par la cellule Investigation de Radio France avec le journaliste Sylvain Tronchet, bonjour. Bonjour. Et je vous laisse la parole. Sylvain Tronchet, bonjour. Bonjour Emmanuel. En effet, beaucoup de réactions d'auditeurs à la suite de la diffusion de votre enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ils s'interrogent tout d'abord sur le calendrier, perquisition au siège de la France Insoumise et publication de l'enquête la même semaine. Alors, je comprends que ça interroge. Croyez-le ou non, nous-mêmes, on a été très surpris par ce qui s'est passé quelques jours avant la sortie prévue de notre enquête. Ce que je peux dire là-dessus, c'est d'abord que c'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis longtemps. On n'y arrive pas comme ça par hasard. On avait sorti une première enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en février. À l'époque, il n'y avait pas de procédure judiciaire. Nos enquêtes sont prévues plusieurs semaines à l'avance. Elles sortent toujours un vendredi. Les auditeurs de France Culture le savent d'ailleurs, puisqu'ils retrouvent la cellule d'investigation de Radio France tous les vendredis dans le journal de 18h. Et ce que je peux dire également, par exemple, c'est que le magazine Télérama annonçait l'émission du samedi sur France Inter, Secret d'Info, qui est notre émission sur une autre chaîne. Or, Télérama est bouclé une semaine à l'avance. J'avais été interrogé par la journaliste plus de 10 jours avant cela. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Autre sujet qui revient fréquemment dans les mails que j'ai reçus, Radio France serait au service du gouvernement en place. Vous seriez donc aux ordres et cette enquête serait en quelque sorte une commande. Alors, Je vais essayer d'être très factuel. Je vais rappeler quelque chose, par exemple, qui est très facilement vérifiable. Quand nous avons sorti, avec Élodie Guéguin, l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, en juin 2017, une affaire qui est à l'origine du départ de trois ministres du gouvernement d'Édouard Philippe. À l'époque, nous avions reçu un coup de fil de François Bayrou, garde des Sceaux, qui ressemblait fortement à une tentative de pression. Nous avions quand même sorti cette enquête. Ça, c'était il y a un an, hein, pas une éternité. Et à l'époque, ceux qui nous accusaient notamment de harcèlement n'étaient pas exactement dans le même camp que ceux qui aujourd'hui nous accusent également de harcèlement. Ce que je tiens à dire, c'est que en matière politique, nous travaillons sur tout le monde. Le pouvoir, comme l'opposition, qui a vocation à gouverner. Le financement politique est un de nos sujets. Nous le revendiquons parce que la France est loin d'être exemplaire en la matière. Alors pourtant, des auditeurs s'étonnent que les journalistes n'effectuent aucun travail d'enquête sur la campagne d'Emmanuel Macron. Je cite l'un d'eux. Avez-vous investigué avec autant de sérieux sur les comptes de campagne de Macron? Ou encore, où est la cellule d'enquête sur la Macronie? Alors là aussi, il faut être factuel. On a enquêté sur la campagne d'Emmanuel Macron. J'ai notamment beaucoup entendu dire effectivement, où est votre enquête sur les ristournes dont Emmanuel Macron aurait bénéficié pendant sa campagne. Je rappelle que si on peut parler de ristournes aujourd'hui, c'est grâce au travail de trois médias, Le Monde, Mediapart et nous. Nous avons sorti avec Élodie Guéguin une grande enquête sur les comptes d'Emmanuel Macron en juin, il y a quatre mois seulement donc. Nous révélions l'existence de ristournes potentiellement illégales, mais aussi, et c'était très important parce qu'aujourd'hui on en reparle, les défaillances dans le contrôle exercé par la commission des comptes de campagne. Il y a un mois également, j'ai réalisé une enquête sur un autre aspect de la campagne d'Emmanuel Macron, sur la façon dont son cabinet a piloté à distance un mouvement de jeunes dont on disait qu'il était spontané, les jeunes avec Macron, et qui, je crois l'avoir montré, n'était pas si spontané et pas si jeune que cela. Dans votre enquête, Sylvain Tronchet, nous n'entendons pas Sophia Chikirou s'exprimer. Pour quelle raison? Alors, parce qu'elle a refusé toutes nos demandes d'interview, et il y en a eu plusieurs, comme en février, hein, d'ailleurs, lorsqu'on avait sorti la première enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, nous lui avons envoyé une très longue liste de questions précises, chiffrées. Il faut bien comprendre pourquoi nous faisons cela. C'est pour qu'elle sache exactement sur quoi va porter notre enquête et qu'elle puisse répondre par la voie de son choix, qu'on puisse également, éventuellement, derrière lui envoyer des demandes de précision. Ça doit se passer comme ça en matière d'enquête journalistique. Ça doit se faire sereinement, sur la base d'éléments factuels, argumentés. Je tiens à préciser qu'on le fait pour des raisons déontologiques, évidemment, parce qu'on doit laisser la place au contradictoire, mais aussi parce que la loi, tout simplement, nous l'impose. Dernière question. Vous communiquez les chiffres des services facturés par la société Mediascope et cela a donné lieu à de nombreux commentaires des auditeurs de France Culture. Je vous en livre un parmi d'autres. Votre propos aurait gagné en qualité si vous aviez donné des chiffres comparatifs. Pourquoi ne pas l'avoir fait? La démonstration n'en aurait été que plus pertinente. Alors, c'est une excellente question. Je vais essayer d'être aussi concis que possible. Le souci qu'on a eu avec ça, c'est que la campagne de Jean-Luc Mélenchon n'est comparable à aucune autre. Je vais vous prendre un exemple. C'est dû notamment au fait qu'il fasse employer son staff de campagne par des structures extérieures, ce qu'on retrouve nulle part ailleurs. Par exemple, l'association de campagne de Marine Le Pen, elle a payé pendant la campagne 2 400 000 euros de salaire. Emmanuel Macron, il a payé 550 000 euros de salaire. Et l'association de campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle n'a payé que 7 000 euros de salaire pour toute la campagne. Alors vous pouvez vous dire comme ça, Jean-Luc Mélenchon a été très économe. Sauf que, en réalité, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a employé beaucoup d'auto-entrepreneurs, et ça s'est noyé ailleurs dans les comptes. Et surtout, il a fait ce que personne d'autre n'a fait, c'est-à-dire qu'il a fait employer une partie de son staff de campagne par des structures extérieures qui refacturaient les salaires derrière en y appliquant une marge. C'est très inhabituel, on le voit nulle part ailleurs et du coup ça rend la comparaison extrêmement compliquée. Et c'est pareil pour Mediascope, la société de Sophia Chikirou. Mediascope, c'est une société qui n'a pas de locaux, qui a très peu de charges, qui est quasiment entièrement prise en charge pour tous ses frais par l'association de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc du coup, comment comparer ces tarifs à ceux d'une autre agence de communication qui paye un loyer, du chauffage, un standard, un service comptable, etc. Objectivement, ça n'a pas de sens. Et j'ajoute que Mediascope a une façon de facturer certaines prestations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ce qui fait que là aussi la comparaison était compliquée. Merci Sylvain Tronchet. Merci à vous Emmanuel Davier pour ce rendez-vous de la médiatrice qu'on peut réécouter sur radio, votre site ou le nôtre, hein, également aussi dans la grande table sur franceculture.fr. Les auditeurs peuvent vous écrire, ça c'est sûr, à l'adresse suivante, mediateur.radiofrance.fr. Merci à Marie Placet à la réalisation aujourd'hui avec YouTube Diego Aclopez.